Pour les autres, vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons commencer à regarder cette semaine un sujet qui est ta controverse beaucoup parmi les églises évangéliques. On va voir pour trois ou quatre semaines de suite une série sur les dons spirituels. Et dans les églises évangéliques, il y a des différences assez fortes les uns avec les autres. Et ça a causé bien des reprises, des divisions dans les églises. J'ai été dans des églises où est-ce que il y a eu des divisions par rapport à ça. Des gens ont parti à cause de certaines croyances, certaines pensées qu'ils avaient de différents avec d'autres sur les dons spirituels. Ça amenait assez fort que les gens partaient et s'en allaient dans d'autres églises. Et je suis conscient que nous, on est un groupe hétéroclique un petit peu. On n'est pas tous dans le même arrière-plan. Donc, il y a des baptistes, des vieux baptistes, des jeunes baptistes, il y a des pentecôtistes, de l'Alliance, des frères, il y en a qui ont été élevés dans des familles de frères, il y en a qui vont dans d'autres baptistes, baptistes de l'Union, vous autres? Baptistes dépendants, vous autres, hein? Non, je veux dire, dans l'église que tu vois présentement. Ouais, là-bas, c'est-tu l'Union, là-bas, hein? Avec monsieur, ouais, c'est l'Union. Donc, il y a l'église de l'Union. Donc, il y a différentes sortes de mouvements. Et probablement, vous avez eu de l'enseignement différent. Vous avez eu des pensées différentes. Vous avez eu des instructions différentes. Vous avez peut-être eu des expériences différentes. Et je me souviens toujours que j'avais parlé une fois avec une femme. Elle m'a dit, tu ne peux pas dire, François, que ce n'est pas vrai parce que je l'ai vécu. Mon expérience me dit que c'est vrai. Donc, vous voyez, on a eu des expériences différentes. Comme des fois, vous allez parler avec des gens de d'autres religions qui ont eu des expériences aussi. À cause de leur expérience, ils vont dire, « Ah, c'est la vérité, je l'ai vécu. » Et j'espère qu'ensemble, on va voir que notre expérience ne devrait jamais être la base de notre foi. La base de notre foi, c'est les Écritures. Si tu vis une expérience qui n'est pas conforme aux Écritures, tu dois mettre de côté ton expérience et dire, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas que j'ai vécu ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pas toujours facile de nier nos propres expériences, mais si la parole de Dieu, c'est notre base, c'est notre norme de vie chrétienne, il faut s'y adapter. Moi, je dis que la Bible, c'est comme une grille, puis mes expériences, mes croyances doivent passer à travers cette grille-là. Et s'ils passent dans la grille, c'est correct. S'ils ne passent pas dans la grille, ils doivent rester ce côté-ci de la grille. Et ils ne sont pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal pour d'un côté, c'est peut-être pas mal, mais tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui dit ça. Tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui dit ça. Dans les mouvements évangéliques, il y a trois ou quatre façons de voir les dons. Tous les dons que nous retrouvons, les différentes positions, tous les dons que nous retrouvons dans la parole et d'autres que nous ne voyons pas sont encore valables aujourd'hui. On appelle ça les non-cessationnismes. C'est un grand nom, vous pouvez l'oublier après, là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a cessé. Donc, tous les dons qu'on voit dans la Bible existent encore. Et même d'autres par-dessus qu'on n'a même pas vu dans la Bible, mais Dieu pourrait les donner aujourd'hui. Donc, il y a des mouvements évangéliques qui croient à ça. Ils appellent ça des non-cessationnismes. Ça continue. Ça continue. Tous les dons qu'ils voient dans la Bible, plus d'autres. Dans le B, tous les dons que nous retrouvons dans la parole sont encore valables aujourd'hui. Non-cessationnisme, mais ils ont enlevé le d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est juste ceux qu'on voit dans la Bible. Tous les dons qu'on voit dans la Bible existent encore aujourd'hui. Donc, les chrétiens peuvent les avoir dans leur vie, ces dons-là. D'autres aussi, tous les dons ont existé, mais les dons signes étaient seulement pour le temps apostolique pendant la formation du Nouveau Testament. Et les dons que nous retrouvons dans Romains 12 sont les seuls qui existent dans l'Église aujourd'hui. Demi cessationnisme. Si vous lisez des livres de théologie, vous allez retrouver ces mots-là. Quelqu'un va dire, moi, je suis un demi. Il n'expliquera pas pourquoi. Il faut que tu saches ce que ça veut dire. Donc, il y a des chrétiens qui vont dire, les dons signes. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, les dons signes? Il a parlé en langue, il va rentrer là-dedans. D'autres vont dire les miracles, chasser les démons, les visions, les songes, les prédictions futures. C'est tout des dons signes. Ils disent, ça n'existe plus. Ils disent, ça, mais dans Romains 12, il y a une liste de dons dans Romains 12, il y en a 7, 8 de là. C'est juste ceux-là qui existent aujourd'hui dans l'Église. On appelle ça les demi-cessationnismes. Et la dernière, tous les dons ont arrêté depuis que le Nouveau Testament est terminé, ça veut dire mis par écrit. Et aujourd'hui, ce que nous voyons à l'œuvre, ce sont des talents naturels qui sont utilisés par l'esprit. Naturel ne devrait pas avoir de L-E-S là, mais juste un S, juste un L-S. Ting, ting. All right. Ah, si je me corrige, je suis bon. sont utilisés par l'esprit pour l'édification. Donc, il y a des chrétiens qui disent, les dons, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça a existé dans le temps de la Bible. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, Dieu prend nos talents naturels puis les utilise pour la gloire de Dieu dans l'Église. Donc, il y a ces quatre façons-là. Qui a raison? A, B, C, D, ou tout le mélange de tout ça? Tout ce que je souhaite, c'est qu'on ne se chicane pas là-dessus. Mais qu'on puisse dire, je suis au courant qu'il y a des frères et sœurs dans l'Église de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas la même opinion que moi sur ce cours-là. Et on les respecte. Dépendamment de l'Église dans laquelle on a été sauvé, ça a une grande influence sur nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Comme si vous êtes vos enfants, vous avez une grande influence sur eux autres. Ils partent de la maison à 20 ans avec un grand bagage qu'ils vont garder toute leur vie à cause de vous. Ils ont des valeurs que vous avez, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Pris ces valeurs-là avec eux autres, sont partis avec, puis ils vont les faire. Ils vont répéter des fois vos erreurs, des fois ils vont vous répéter aussi vos bons coups. Et dans l'Église, on est influencé. Une fois, j'étais avec un pasteur de l'Église pentecôtiste, puis on parlait des langues, puis des dons, puis j'avais dit, je sais, il dit que dans ton Église, il y a un paquet de monde qui parle en langue, puis je ne sais pas pourquoi. Comme dans mon Église, il y a un paquet de chrétiens qui ne parlent pas en langue, puis je ne sais pas plus pourquoi. Juste parce qu'on leur dit qu'on ne parle pas en langue. Puis ils croient, tout simplement. Mais si on vous demanderait de vous asseoir avec un pentecôtiste ou avec des gens qui connaissent bien la Bible et qui disent, moi je crois par la langue, voici pourquoi, seriez-vous capable de lui montrer par la Bible que vous avez raison et de dire, non, par la langue n'existe plus aujourd'hui ou existe encore, peu importe. C'est pas évident. Une fois, je m'étais assis avec 5 chrétiens d'une église que je travaillais. Puis je dis, moi, je suis un pentecôtiste ce matin. Et moi, je crois en langue, je vais vous prouver que vous avez tort. Puis les 5 chrétiens, ils ont devenu pentecôtistes. Non, c'était dans le sketch qu'on faisait, là. Ils n'ont pas été capables de me montrer que j'avais tort. Parce que je connaissais tous les arguments des pentecôtistes. Jésus a servi tous les arguments des pentecôtistes, puis ils ne pouvaient pas prendre leur Bible et me montrer que j'avais tort. Ils disaient que j'avais tort. Mais ils ne pouvaient pas me le montrer. Je sortais des versets, mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Qu'est-ce que tu fais? Ils n'étaient pas capables d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Mais parce qu'ils ont été dans une église baptiste toute leur vie, où le pasteur dit ça, mais il ne parle pas en langue. Il n'y a personne dans l'église qui parle en langue, donc il dit que ça n'existe pas de parler en langue aujourd'hui. Mais ils ne savent pas trop comment expliquer ça. Donc, il faut être prudent quand on dit « je ne crois pas à ça ». Ben, il faut faire attention de ne pas trop être dogmatique et dire « je ne crois pas à ça ». On m'a enseigné ça. Je n'ai pas fait de recherche plus que ça. On m'a enseigné ça. Mais ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Et d'autres sortes de dons aussi que ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Puis il y a toujours des gens qui vont arriver avec des expériences très, très pertinentes, très fortes, qui vont dire « qu'est-ce que tu fais de mon expérience ?» Et là, on a de la misère à expliquer ça. Donc, à cause de nos arrière-plans différents, on va approcher le texte d'un Corinthiens 12, 13, 14, un petit peu différent. Donc, on essaie d'étudier le mieux qu'on va pouvoir, avec le plus de clarté qu'on va pouvoir. Et je vous encourage, si vous avez des idées différentes des miennes, venez me voir avec les textes bibliques. Dis, François, regarde, à cause de ces textes-là, me semble que c'est ça autrement. Et peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Parce que vous avez une autre facette que moi, je n'ai peut-être pas vue. Moi, tout, j'ai été élevé dans une église baptiste. J'ai été influencé par ça aussi. Mais je peux vous dire que quand j'avais à peu près 2 ou 3 ans de vie chrétienne, j'étais dans ma chambre et je priais pour avoir le don des langues. Parce que je le voyais dans la Bible, je disais, mais pourquoi qu'on ne peut pas l'avoir? Nous, on ne pouvait pas l'expliquer pourquoi qu'on ne l'aurait pas, pourquoi qu'on l'avait. Je disais, voyons, il y a des chrétiens qui disent qu'ils l'ont, puis il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne l'ont pas, puis dans la Bible, il me semble qu'il y en a qui l'avaient, et j'ai prié. Et dans mon expérience personnelle, je ne l'ai pas eu. Mais pourquoi je ne l'ai pas eu? C'est une histoire, là. Comment expliquer maintenant pourquoi je ne l'ai pas eu? C'est parce que je n'avais pas de foi? C'est parce que je n'étais pas un bon chrétien? C'est parce que je n'ai pas prié assez longtemps? Pourquoi je ne l'ai pas eu? Et on va essayer de voir ça ensemble, là, s'en allant. C'est de comprendre ces différentes choses-là, afin de pouvoir... Mais vous allez voir qu'il y a des absolus dans les 3 chapitres. Il y a des absolus. Il y a des absolus qu'on ne peut pas passer par-dessus. Mais mettons pas des absolus où ce que la Bible n'en met pas. Mais les absolus qu'elle met vont nous aider à vivre ensemble, malgré qu'on n'a pas toutes les mêmes idées des fois. Mais les absolus devraient être des absolus pour tout le monde. Tout chacun de nous, peu importe d'où est-ce qu'on vient, on devrait avoir les mêmes absolus dans notre vie, mais pas les mêmes détails, des fois, et d'accepter que, oui, moi, je fais ça, mais c'est mon expérience, mais je ne pourrais pas dire à l'autre qu'il fait mal parce qu'il ne le fait pas. Ou je ne pourrais pas dire à l'autre qu'il fait mal parce qu'il le fait. Mais il y a un absolu, là. Et vous allez voir que, souvent, les Corinthiens, le problème, ils ont fait des non-absolus la priorité, et des absolus, ils l'ont mis de côté comme des non-priorités. Et Paul va ramener. Il va dire, on va voir, vous avez une belle gang de dons, tout le monde. Vous avez tous des beaux dons. Vous avez plus d'amour pour les uns pour les autres. C'est une priorité. Il a ramené la priorité. Hey, hey, hey! Il dit, si vous avez tous les plus beaux dons du monde, si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, ça vaut 0. Donc là, il ramène les priorités. Il ramène les priorités. On va voir priorité dans le chapitre 12, priorité dans le chapitre 13, qui est l'amour, chapitre 14, les dons servent à l'édification des autres. Peu importe les dons que vous avez, si ça ne sert pas à l'édification de l'Église, taisez-vous, il dit. Restez chez vous, faites pas ça. Ça doit édifier les autres. Si ça édifie pas les autres, vous ne devez pas le faire. Donc, il y a des absolus, là, dans les 3 chapitres. On va voir ce matin un de ces absolus dans notre chapitre 12. L'Église de Corinthe, pour comprendre pourquoi Paul s'adresse à eux, les Corinthiens, puis pourquoi il leur parle des dons à eux. Il n'a pas parlé aux Thessaloniciens, il n'a pas parlé aux Romains, c'est un petit peu aux Romains, 8 versets, mais ça, c'est 3 chapitres, là, des longs chapitres. Pourquoi il fait ça avec eux autres? Parce que dans leur Église, il y avait des problèmes avec ça. Donc, il répond aux problèmes de l'Église. Il veut les instruire. Paul, il va commencer au chapitre 12, verset 1, puis il va dire, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Donc, il manquait de connaissance. Et le manque de connaissance est souvent, presque toujours, la source de nos problèmes dans nos églises. On manque de connaissance. Et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, donc je vais vous donner de la connaissance afin que vous régleriez vos problèmes dans l'Église. Souvent, ce n'est pas parce que le frère ou la sœur sont méchants, sont diaboliques ou ne sont pas des bons chrétiens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous autres. Souvent, c'est un manque de connaissance. Ils n'ont pas reçu l'instruction pour différentes raisons. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui ne comprenaient pas le retour du Seigneur, mais ils ont été dans les églises pendant 8 ou 10 ans, ils n'ont jamais été instruits sur le retour du Seigneur. Donc, ils ne savaient pas. Et peut-être que vous avez été dans les églises où on ne s'est jamais arrêté pour prendre le temps d'étudier la question des dons. Je parlais souvent avec des gens qui avaient des différents points de vue. Je dis, as-tu déjà pris le temps, ton pasteur, tes anciens dans l'église, vous ont-tu enseigné sur Romains 1 Corinthiens 12, 13 et 14? Je ne me souviens pas de ça. Mais tout le monde parlait des dons, mais il n'y avait pas eu d'instruction. Qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet? Afin d'avoir des convictions basées sur les Écritures. Donc, les Corinthiens ont des problèmes avec les dons. Et les dons étaient devenus, pour eux, une source de valorisation. C'est qui avait les dons? Certains dons étaient plus valorisés que d'autres dons dans l'Église. C'est intéressant ici de faire une liste de dons, puis de donner une liste à tous les chrétiens, puis de mettre ça d'un 1 à 10. Lesquels qui est le plus important dans l'Église? C'est intéressant, on arrivera peut-être tous aux mêmes conclusions. Et chez les Corinthiens, vous devinez lequel des dons était le mis le plus en valorisation. C'était les langues. C'était les langues. Le don, le max, ne peut pas être plus haut que ça, dans leur croyance à eux autres. Et Paul va ramener ça à la réalité. Il dit, non, c'est pas tout à fait demain que ça marche. On va remettre les pendules à l'heure, je vais vous donner de l'instruction, je vais vous donner de l'information afin que vous soyez capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans le chapitre 12, nous allons voir les dons, leur diversité et leur égalité. Ce matin, on va commencer ça. Dans le chapitre 13, on va voir que les dons doivent être enrobés d'amour. Sans amour, ça ne marche pas. Et dans le chapitre 14, on va voir que les dons ont été donnés pour l'édification du peuple de Dieu. Si j'ai reçu un don d'enseignement, ce n'est pas pour me regarder dans le miroir et m'enseigner moi-même. N'est-ce pas? Si j'ai reçu un don d'enseignement, c'est pour enseigner les autres. C'est pas pour m'enseigner moi-même. Si vous avez reçu un don de servir, ce n'est pas pour vous servir. C'est pour servir les autres dans l'Église. Et il y a beaucoup de gens qui utilisaient leur don, non pas pour l'édification du peuple de Dieu, mais pour leur propre édification. Et Paul va mettre ça au clair, va dire, vous ne devez pas faire ça. OK? Dans votre texte, au chapitre 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et dans le texte original, le mot don n'est pas là. C'est Paul, tu vois le mot don? Avez-vous tout le mot don dans vos Bibles? En guillemets, ça veut dire qu'il n'est pas dans les textes originaux. Manifestation de l'esprit. Dans le texte, là, on pourrait traduire « en ce qui concerne les spirituels ». C'est le mot « spirituel » qui est là. En ce qui concerne les spirituels, je crois que c'est la meilleure traduction, en ce qui concerne la gang qui se pense plus spirituelle que les autres, ceux qui pensent que leur don est plus spirituel que ceux des autres, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, mes frères. Il n'y a pas plus spirituel les uns que les autres. Il ne parle pas juste des dons, mais de ceux qui se pensent spirituels à cause de leurs dons. C'est le mot pneumatikos, pneuma, pneu, hein, un pneu. Ça veut dire, c'est le mot dans le grec, le pneu, ça veut dire esprit, souffle, spirituel. Pneumonie, tout ce que les faire avec les poumons. Donc, c'est le mot dans le grec qui est là, en ce qui a rapport aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit. Et on va commencer ensemble. On va voir que ce matin, il y a de la diversité de dons. Mais ils sont tous égaux. Est-ce que c'est ça qu'on vit dans nos églises? Non. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Oui. Mais ce n'est pas ça qu'on vit. Je ne l'ai pas vécu depuis 30 ans. Puis je ne l'ai pas vu vivre dans d'autres églises. On ne regarde pas tous les frères et sœurs de la même égalité. C'est de valeur, mais c'est comme ça. On évalue certains hommes, certaines femmes plus importantes, moins importantes que les autres dans l'Église. Mais on va voir ce matin que l'apôtre Paul va commencer en disant « Tous les dons sont égaux. » Il y en a différentes sortes, mais ils sont tous égaux d'importance. Dans l'utilité même, ils sont tous égaux. On va voir dans le chapitre 13, 14, je pense, ou 12, à la fin de 12, il va dire, il y a comme le corps humain, il y a plein d'organes du corps humain que vous ne voyez pas. Sont-ils moins importants parce que vous ne les voyez pas? Ça, je vous couperai un petit peu, je vous enlèverai de là, puis je reformerai tout ça. Vous tomberez peut-être à terre. Nous, on a tendance à prendre soin bien plus du dehors. On regarde dans le miroir, puis si c'est tout beau dans le miroir, on est correct. En dedans, des fois, ça ne marche pas tout le temps correct. Puis quand ça ne marche pas correct en dedans, là, des fois, c'est là qu'on va à l'hôpital. C'est pas quand c'est à l'extérieur qu'on va à l'hôpital souvent, c'est bien plus quand ça fait mal à l'intérieur. Puis on ne sait pas c'est quoi. Ça nous fait peur un peu. Mais tout est important pareil. Regardons les premiers versets. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, c'est qui ça? C'est qui? C'est toutes nous autres. Toutes nous autres. OK? Toutes nous autres. Vous savez, lorsque vous étiez païens, païens, tous les non-juifs, OK? Parce que, es-tu des juifs ici, par naissance? Non? OK, de dans la gang avec moi? Non, vous êtes tous païens. Vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit « Lorsque vous étiez des païens, des non-juifs, vous étiez entraînés. Vous étiez entraînés par des idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits. » Puis il dit, même dans ces différents mouvements-là, il y en a d'entre vous qui pouvaient traiter Dieu d'anathème ou Jésus d'anathème. Dans vos mouvements, vous disiez des choses qui étaient contre Dieu, qui étaient contre Jésus, des fois même sachant même pas. Vous étiez contre Dieu. Vous faisiez des choses qui étaient des abominations pour Dieu. Et vous pensiez lui plaire en faisant ça. Vous l'avez déjà fait? Je l'ai déjà fait aussi. On pensait plaire à Dieu. On pensait faire des choses qui étaient selon la volonté de Dieu, mais ne l'étaient pas. Les idoles païennes vous guidaient. Ça veut dire quoi? Un idole, ça ne guide pas personne, c'est un morceau de bois. Mais par l'instruction que vous receviez alentour de ces idoles-là, ça vous guidait dans vos vies. Mais il dit, moi je vous dis une chose, que si vous dites, peu importe, si vous dites que Jésus est anathème, ça ne vient pas de Dieu, c'est certain. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'Église qui conduisent par leur euphorie à travers le don spécial qu'il y avait. Je ne sais pas s'il y a des Corinthiens qui étaient rendus à la place qui disaient que Jésus est anathème. Je ne sais pas. Peut-être que c'était juste avant, on espère que c'était juste avant, qu'ils étaient des croyants. Mais il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu vont dire quoi? Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il dit que personne qui peut dire honnêtement, sincèrement, Jésus est le Seigneur, sans être conduit par l'Esprit de Saint. Qui dit ça ce matin? Jésus, c'est le Seigneur. Si vous le dites, vous êtes conduit par l'Esprit Saint. La chair ne peut pas dire ça. La chair ne peut pas dire ça. Honnêtement, dans son cœur, sur la vérité. Moi, je disais quand j'étais jeune, mais on disait Jésus, c'est le Seigneur, mais on faisait ce qu'on voulait. On conduisait notre vie comme on voulait, parce qu'on ne s'intéressait pas à lui. C'était pas vrai. C'était des paroles, des veines redites, comme on disait, des choses qu'on disait en l'air, mais on ne s'en occupait pas. Mais quelqu'un qui dit honnêtement dans son cœur, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est le Seigneur du monde, c'est l'Esprit Saint qui lui fait dire ça. Donc, il dit, peu importe qui vous êtes dans l'Église, si vous dites Jésus, c'est le Seigneur, vous avez tous le même esprit en vous. Vous avez tous le Saint-Esprit en vous. Il n'y a pas un qui l'a plus que d'autres, ou moins que d'autres. Le Saint-Esprit, cet être de la personne de la Trinité, qu'on connaît le moins, qu'on parle le moins. On parle souvent de Dieu, on parle souvent de Jésus. Le Saint-Esprit, on en parle moins. Dans certains mouvements, ils ont allé dans l'autre extrême, ils parlent juste de ça. Anciennement, les Bibles, on voyait sur les Bibles des croix à part du temps. Aujourd'hui, plusieurs de vos Bibles, c'est le Saint-Esprit que tu. On a, depuis à peu près une cinquantaine d'années, dans le monde évangélique, on a axé vers les dons. On a mis peut-être trop d'emphase là-dessus. Et c'est devenu que le Saint-Esprit a pris peut-être la vedette des places qu'il n'aurait pas dû prendre. Je suis en train de vous dire, là, je n'ai pas votre Bible, là, c'est le Saint-Esprit dessus. Là. Mais c'est de vous montrer que dans notre culture, on a donné un emphase au Saint-Esprit qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 50 ans. Saint-Esprit qui est en nous, qui... On va voir ce matin que c'est lui, que c'est son rôle, la question des dons. Lui, il rentre en action quand c'est la question des dons. C'est l'œuvre. On dit tout le temps, Dieu a organisé le salut du monde. Jésus l'a fait et le Saint-Esprit l'applique. Cet esprit va l'appliquer. C'est cet esprit qui m'a régénéré. Hein? La Bible nous dit que c'est cet esprit qui nous régénère. On va voir ce matin que c'est cet esprit qui nous guide, qui nous conduit. C'est cet esprit qu'on va voir ce matin qui donne les dons et qui donne la force de les utiliser. La vie chrétienne, ça se vit par le Saint-Esprit. C'est notre force, c'est notre fuel, c'est notre... appelez ça comme vous voulez, c'est notre essence. Sans lui, vous ne faites rien dans la vie chrétienne. Et vous faites tout par la chair. Un des deux. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a un seul but, verset 3. C'est de déclarer Jésus le Seigneur. Tous les dons, tous les gens d'ici, ils ont juste un but. C'est d'emmener les gens dans l'Église et en dehors d'Église à reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. C'est intéressant hein, qu'il ne commence pas en disant « Sauveur ». Il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit vont dire « Jésus, c'est mon Sauveur ». Tout le monde va être sauvé, mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir Jésus comme Sauveur. Tout le monde veut l'avoir comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. « Oh, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, mais je meurs, je vais aller au ciel, mais je meurs. » Tu veux aller au ciel avant de mourir? Sur la terre et servir le Seigneur toute ta vie? C'est une autre histoire, là. Je pourrais vous dire dans ma vie, depuis 30 ans de vie chrétienne, combien de gens m'ont dit qu'ils étaient prêts à accepter Jésus dans leur vie comme sauveur, mais quand c'était temps de parler du Seigneur, ils s'en allaient. Ils ne voulaient plus. Ils ne voulaient plus se convertir, ils ne voulaient plus servir le Seigneur. Ils voulaient aller au ciel. Ils voulaient être sauvés. Ils voulaient avoir le pardon de leurs péchés. Mais Seigneur, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va me dire quoi faire, quand le faire, puis où le faire, puis qu'est-ce que je ne dois pas faire, puis qu'est-ce que je dois, où je ne dois pas aller. J'en veux pas de ça. Mais ça, c'est le Seigneur. Tous les dons qu'on va voir depuis les semaines qui viennent servent juste à une chose, d'emmener tous les gens de la terre, si on pouvait, à dire Jésus, c'est le Seigneur. Tous les dons servent à ça. Parce que tous les dons ensemble font, on va voir ensemble, le corps de Christ pour emmener aussi les gens de l'extérieur à dire Jésus, c'est le Seigneur. Deuxièmement, ça c'est la première chose qu'on a vue. Tous les dons servent à une chose. Emmener les gens à dire Jésus, c'est le Seigneur. Deuxièmement, on va voir, il y a un seul Dieu qui les opère tous. Les dons sont tous égaux parce qu'il y a juste un Dieu qui les opère tous. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères ou de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Donc, attendez un petit peu, je ne suis pas sûr ce que je dois lire jusqu'au verset 6. OK. Diversité. Qu'est-ce que ça veut dire le mot diversité? Plusieurs. Diversité, ça veut dire que différentes sortes de tomates. On est allé au marché public cette semaine, il y avait diverses sortes de tomates, diverses sortes de salades, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis là, on choisissait. Il y avait diversité de dons. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes dons. Ça, c'est pas tellement difficile. Et cette diversité-là, elle est faite par le même Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la diversité des dons. Ce n'est pas l'Église qui fait la diversité des dons, ce n'est pas les gens qui font la diversité des dons, c'est l'Esprit-Saint. Il dit la diversité de dons, mais le même Esprit. Et les dons ici, c'est... le mot don, dans l'original, c'est le mot charisme. C'est le mot charisme. Et quand on a dit en français, un don, c'est... si je te fais un don, ça veut dire, ça implique quoi? Gratuit. Hein? Quelque chose que tu n'as pas mérité. On te donne un don. On l'a reçu. T'as-tu dit autre chose? On le reçoit. C'est pas quelque chose qu'on quémande ou qu'on paye. On le reçoit. Il nous est donné. Puis on va voir tout à l'heure qu'il nous est donné, puis on n'aura pas choisi la sorte. Mon père disait tout le temps, parce que mon père c'était un cultivateur, en tout cas, gentleman farmer qu'on appelait dans le temps, il disait tout le temps, un cheval donné, on ne garde pas la bride. Cheval donné, on ne garde pas la bride. Un don donné, on ne discute pas avec ça, on le prend, on l'accepte, on s'en réjouit. Je me souviens toujours d'avoir rencontré un homme une fois qui voulait participer à nos réunions dans un cégep, des réunions chrétiennes. Puis là, j'avais demandé au petit groupe qui était là, était 5-6, peut-être 6-7. Puis j'avais dit, bon, qu'est-ce que vous aimeriez faire cette année pendant qu'on travaille au cégep pour amener l'Évangile? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Lui, il lève la main, il dit, moi, je veux enseigner le groupe. C'est tout ce que je veux faire. J'ai dit ça comme ça. Moi, c'est tout ce que je veux faire. Mais il dit, es-tu certain que le groupe veut t'avoir comme enseignant? Ça n'a pas d'importance. J'ai dit, moi, il dit, je veux enseigner le groupe. Il dit, c'est mon don, je vais faire juste ça. Mais il n'est pas parti du groupe, il est parti après. C'était sa seule réunion. Parce que les chrétiens ne voulaient pas qu'il devienne l'enseignant du groupe. Tu ne choisis pas ton don. Force pas ton don sur les gens autour de toi non plus. Tu ne peux pas dire, écoutez-moi, parce que moi, je suis capable de faire ça. Donc, c'est un don. Il y a diversité de dons. Mais il dit, le même... Seigneur, le même Seigneur. Ça veut dire que tous ces dons-là ont un but. C'est de servir le Seigneur. Diversité de ministères. Le mot ministère, là, c'est le mot service. Et tous ces services-là, peu importe ce que tu fais avec les dons que tu as, tu ne sers jamais l'Église. Tu sers le Seigneur. Si tu ne sers pas le Seigneur, je te dis, tu ne le feras pas longtemps. Tu vas devenir aigri contre les chrétiens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela. Quand on sert le Seigneur, peu importe le don, on doit le faire pour le Seigneur. Il faut se le rappeler. Il faut méditer là-dessus. Il faut penser à ça. Parce que sans ça, on va devenir agressif. Parce que c'est à peu près certain, en tout cas depuis mon expérience, depuis 30 ans, on n'a jamais assez. L'Église est très, très peu reconnaissante. Parce que c'est difficile pour nous même d'être reconnaissants avec tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. On a même de la misère des fois à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Imagine-toi maintenant remercier les autres chrétiens ou rendre gloire. C'est difficile pour nous autres. Mais si je le fais pour le Seigneur, je sais que le Seigneur apprécie ce que je fais, puis est glorifié, et peu importe comment les gens vont réagir. C'est encore John MacArthur disait souvent, reçois les applaudissements, mais donne la gloire au Seigneur. Reçois les applaudissements, mais donne la gloire au Seigneur. Donc, je crois que c'est correct de dire merci à quelqu'un. C'est correct de le faire, puis tu veux que le satisfait les croyants. Mais dans le fond intérieur de toi-même, tout ce que tu fais, tu veux le faire pour le Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère toutes choses. Ce qu'il est en train de dire ici, peu importe le don que tu l'as reçu du Saint-Esprit, tu sers le Seigneur avec. Et c'est Dieu qui va opérer cela. Dieu est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Pinocchio, le film. Qu'est-ce qu'il y a après lui, Pinocchio? Des ficelles, hein? Plein de ficelles. Puis au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Une main, le monsieur qui a fait Pinocchio, le monsieur qui fait le marié notre... En tout cas, oh, c'est beau, c'est merci, c'est ça. Je vous crois sur parole, c'est ça. Et lui, il est là avec sa main, puis il fait en fait tout ce qu'il veut à Pinocchio. Puis là, ici, c'est le sens, ici. Dieu va opérer vos dons pour faire ce qu'il veut avec. C'est lui qui opère les dons. C'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui voit les millions de chrétiens qui sont dans le monde et qui va gérer tout ça. Il va gérer tout ça. On n'est pas capable de gérer ça, nous. J'ai parlé avec beaucoup de chrétiens, puis ce matin, je vous demanderais à bulle pour point de même, c'est quoi ton don? Des fois, on a de la misère à mettre un mot. Moi, mon don, c'est ça. On a de la misère. C'est pas grave, ça. Tu l'as eu pareil. Tu as eu pareil ton don. C'est pas à cause que tu peux te mettre un mot dessus ou pas. Moi, j'enseignais bien avant qu'on me dise que j'étais un enseignant. Je savais même pas c'était quoi les dons dans ce là. On n'avait même pas eu d'enseignement. Mais j'étais dans une classe d'école du dimanche, j'étais jeune chrétien, j'enseignais les enfants. je mets ça. Ça ne veut pas dire à cause que tu peux mettre une étiquette, ou quelqu'un dans l'église peut pas mettre une étiquette sur toi, que tu ne l'as pas, le don, tu l'as pareil. Et la plupart du temps, vous allez faire votre don sans vous en rendre compte. Parce que vous l'avez dans vous autres. Ça va se faire. Ça va se faire tout seul. Et souvent, on a une espèce de phobie de marquer un mot, un nom, puis de voir. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si c'est Dieu qui opère toutes choses. Allez, va voir James, toi. Va voir James, là. qu'est-ce que je voulais dire? C'est Dieu qui opère. Donc, si tu as des dons, vous pouvez avoir le même don. Mettons, tu as le don d'enseigner, j'ai le don d'enseigner, tu as le don d'enseigner. Si on est cinq qui ont le don d'enseigner, ça ne veut pas dire qu'on va opérer de la même façon. Pour avoir 10 dons de servir, ils ne vont pas opérer dans les mêmes domaines, dans les mêmes façons. Tu ne dois jamais te comparer avec un autre. Et tu fais attention quand tu juges l'autre de la façon dont tu opères son don, parce que c'est Dieu qui opère à travers lui. Dieu opère. Ce n'est pas un que c'est la. Non, c'est Dieu qui opère tout ça. Donc, ça met les dons sur toute la même égalité. Ils sont tous du même Saint-Esprit, ils servent tous le même Seigneur, et c'est tout le même Dieu qui opère toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas à commencer à mettre des marches entre les dons. Tout le monde est égal, selon ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que dans la troisième chose, on va voir ensemble, parce qu'il y a un seul esprit qui les distribue. Ça, c'est intéressant. Il les distribue comme il le veut. C'est comme votre corps, hein? La plupart d'entre nous, on aimerait changer des petits quelque chose après notre corps. Ou mettre plus de cheveux là. En tout cas, on aurait toutes sortes de petites idées. On voudrait changer des petites choses sur notre corps. Mais naturellement, on n'a pas le choix. À moins qu'on ait à passer en dessous du couteau, là, quelque part. Mais naturellement, ça change pas. On est venu avec un corps et on a tout choisi. Avez-vous choisi ça? Ils nous disent, là, hein, ils nous disent que bientôt, on va pouvoir choisir. On va pouvoir choisir. Ils vont nous donner une liste, là. Puis là, tu vas marquer, je vais avoir un enfant aux yeux bleus, puis un musicien. Puis ils nous disent qu'on va pouvoir faire ça avec la manipulation génétique dans 50 ans d'ici ou dans 100 ans d'ici. Ils nous disent ça. Ça va-tu venir un jour? On verra. Mais pour jusqu'aujourd'hui, même si vos parents choisissent, vous n'aurez pas choisi vous. Vous choisissez jamais comment vous venez au monde. Grand, petit, gros, quotient intellectuel, capacité de don, de talent, vous n'avez pas choisi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vivre avec et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais vous ne pouvez pas le changer et dire, moi, j'aime pas cette capacité-là, j'aime pas ça, je vais changer. Je vais demander au Seigneur qu'il change ça. Ça ne marche pas comme ça. Regardez à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il y a un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre la foi par le même Esprit, un autre le don des guérisons par le même Esprit, un autre le don d'opérer les miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Pas comme vous voulez, mais comme il le veut. C'est qui ici? Le « il », c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc, il dit, le Saint-Esprit va distribuer quand il sauve. Une fois, je parlais avec des dirigeants de l'association, j'ai dit, c'est drôle, hein, c'est bizarre notre affaire, parce que Dieu sauve 50 personnes dans une ville, 200 personnes, puis il va donner tous les dons, mais il ne donnera pas le don de pasteur. On va chercher dans d'autres villes, dans d'autres églises. On vole le pasteur d'un pour le mettre dans notre église à nous autres. C'est bizarre, ça. Dieu n'a-t-il pas donné des dons de pasteur dans l'église? Pourquoi il donnait tous les dons si c'était celui de pasteur? Moi, je ne crée pas ça personnellement. Je crois que quand Dieu sauve dans une ville ou dans un ensemble, il donne des dons, tous les dons qu'on a besoin. Il dit aux Corinthiens, vous avez tous les dons que vous avez besoin. Commence pas à dire, ben, je vous ai donné tous les dons, puis je trouve ça tellement surprenant. Une fois, j'étais dans une église en Ontario, il y a des milliers de membres. Cherchant un pasteur ailleurs. J'ai dit, mais vous n'avez pas dans votre milieu. Vous n'avez pas un pasteur ici, là, que quelqu'un qui a reçu le don de Dieu d'être un dirigeant spirituel pour l'église. Puis je ne serais pas surpris qu'il y en ait plusieurs, même. Moi, je ne suis pas capable d'accepter que Dieu ne serait pas équilibré dans la distribution des dons qu'il fait. Personnellement, j'ai bien la misère avec ça, ces histoires-là. Bien la misère. De voir que c'est comme si. J'avais demandé au dirigeant, j'avais dit au dirigeant, est-ce que c'est par hasard, on aurait une mauvaise définition de ce que c'est un pasteur? Est-ce qu'on aurait une mauvaise définition? Pour ne pas les voir. Parce que je crois que Dieu nous a donné assez. Moi, je ne crois pas ça, que dans l'Église de Dieu, il manque des pasteurs. Je ne suis pas capable, ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans ma tête. Puis quand j'entends les dirigeants dire, il nous manque 12 pasteurs, il nous manque 10 pasteurs, je dis, il n'en manque pas! C'est qu'on ne les voit pas. On ne les reconnaît pas. Mais Dieu nous a donné assez. Il nous a donné assez. Mais souvent, on ne les veut pas. On ne les connaît pas. Ou ils ne rentrent pas dans notre grille à nous autres. Aujourd'hui, au Canada, on dit que les pasteurs doivent avoir ce que les églises veulent. 45 ans à peu près, qu'ils finissent toutes ses études en théologie, puis qu'ils aient 25 ans d'expérience. Sans ça, on ne les prend pas. C'est pas tout à fait demain, je crois que Dieu marche. Dieu, l'Esprit Saint, il dit qu'il va distribuer. Au verset 7, il dit, premièrement, pour l'utilité commune. Les dons que Dieu, l'Esprit, va donner à chacun, c'est pour l'utilité de toute l'Église. Ça veut dire que moi, je dois prendre mes dons et en faire jouir toute l'Église le plus possible. Ça veut dire que l'Église doit se rencontrer et être capable de mettre nos dons au service des autres. Le dimanche matin, il y a quasiment juste une grande gueule qui parle. On n'a pas, vous ne pouvez pas mettre votre don à mon service. Notre façon de fonctionner ne permet pas ça. On va voir tout à l'heure au chapitre 14, pas tout à l'heure, en tout cas, c'est pas une occupe semaine, que le 14, il va nous donner un petit indice que peut-être notre façon de fonctionner n'est peut-être pas la meilleure. Peut-être pas la meilleure. Est-ce qu'on donne à tout le corps la possibilité de faire de quoi avec le restant du corps? Ou si notre structure ne nous permet pas ça? Parce que je crois que plus le corps va être en fonction, tous les membres, tous les dons sont en fonction les uns avec les autres, et les uns pour les autres, c'est là qu'on a des églises les plus en santé et les plus fortes. C'est jamais la structure, c'est jamais les programmes qui font une église forte. C'est que les chrétiens sont à l'œuvre dans la vie des uns des autres. Si tu as un don de miséricorde ou de compassion, j'ai besoin de toi quand moi j'ai de la misère. Si tu as un problème doctrinal, tu vas aller trouver quelqu'un qui a un don d'enseigner. Si tu as un problème d'autres choses, tu vas aller voir des gens dans l'Église qui vont t'aider. Parce que Dieu les a mis là pour ton édification en toi. Ensuite, il dit que tous les dons, peu importe la différence, ici on a nommé plusieurs, sagesse, connaissance, la foi, la guérison, le miracle, les prophéties, le discernement des esprits, la diversité des langues. On va en étudier en s'en un peu plus dans les autres passages, mais c'est différent. Donc le but du texte ici, c'est de dire, ils viennent tous du même esprit, ils sont tous donnés par le même personnage, et c'est lui qui a décidé ce que vous avez. Qu'est-ce que ça fait du Saint-Esprit ici, ça? Ça fait le maître, mais ça fait aussi une personne. Ceux qui vous disent que c'est l'esprit, ce n'est pas une personne. Là. Ici, il y a une volonté propre. Ce n'est pas une puissance qui se promène. Ce n'est pas d'électricité, cet esprit-là. C'est une personne. Il y a une volonté. Sa volonté, à lui, décide. François, tu vas être tel don. Myriam, tu vas être tel don. Lucie, tu vas être tel don. Il décide quel don vous allez avoir. C'est lui qui a décidé. Et nous, il faut l'accepter avec joie. La place qu'il nous a donnée dans le corps. Et il y en a qui sont différentes apparences, différentes façons. Moi, mon nez est plus visible que mes organes internes. Mais pourtant, un nez aussi gros qu'il peut être, ça ne sert à rien si les organes internes ne fonctionnent pas. Mais nous, on donne plus d'importance à ce qu'on voit. Hein? Samuel dit ça, du zoo, vous regardez ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde aussi à l'intérieur. Donc, peu importe le don que vous avez, ils sont tous égaux. Égaux dans le sens qu'ils viennent tous de cet esprit pour un but commun, faire connaître Jésus comme étant le Seigneur. Le Seigneur, ça c'est le premier but. Le deuxième, ils sont tous égaux parce que il y a juste un Dieu qui les opère. Et troisièmement, ils sont tous égaux parce qu'ils viennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les distribue selon sa propre volonté. Donc, en partant ce matin, c'est tout ce qu'on se peut dire. Je ne suis pas plus important que les autres. Je ne suis pas moins important que les autres. Dieu ne m'a pas oublié dans la distribution des dons. Tu en as. Peu importe si tu es capable de mettre un nom dessus ou pas. Et si tu es en contact avec les frères et sœurs, tu vas utiliser ton don, même, je dirais, instinctivement. Les enfants, là, je regarde ma petite fille, là, elle a 8 mois, là, un petit peu plus que 8 mois, je pense. Là. Elle a 8 mois, elle a 17 de juin. Hein, c'est ça, 8 mois qu'elle a eu? Oui, 17 de juin. Bon. Elle a déjà certaines choses. Là. On dit, ah, oh, mon ami, elle va être comme son grand-père. Ah, oh, elle va ressembler à sa mère. Ah, oh, elle va ressembler à... Elle a, on voit ses traits de caractère qui sortent. Elle a déjà une personnalité à elle. Elle va la développer en s'en allant. Elle a déjà des capacités. Elle a aussi des petites manies qu'on aime moins. Donc, c'est vraiment important de bien penser ça. Mais je ne suis pas plus important, pas moins important. J'accepte ma place. Parce qu'elle m'a été distribuée par Dieu pour le service dans l'Église de l'édification des autres. Ce matin, en terminant en disant, est-ce que j'utilise mon don pour la gloire du Seigneur? Est-ce que je utilise mon don pour les frères et sœurs qui sont autour de moi? Est-ce que je veux rendre... La plupart du temps, quand vous voyez quelque chose dans l'Église qui fonctionne bien ou moins bien, probablement ça vous agace parce que vous avez peut-être un don dans cette direction-là. Si vous dites, ouais, il manque de chaleur, peut-être que toi, tu as un don qui peut-être amener de la chaleur humaine alentour. Ça ne donne à rien de dire qu'il n'y a pas de chaleur. Moi, je dis tout le temps, brûle, puis ça va réchauffer tout le monde. Utilisez vos dons. Rencontrons-nous les uns les autres. Parlons les uns avec les autres. Pour qu'on puisse mettre au service des autres notre don qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'il vous a été donné pour cela. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci pour tous ces dons que tu as distribués à l'Église. Chacun de nous en a les nôtres. Je ne sais pas si on en a un ou plus. Peu importe. C'est toi qui le fais. C'est toi qui les donnes. Si c'est juste des talents naturels, c'est toi qui les donnes pareil. Si c'est un mélange des deux, c'est toi qui les donnes pareil. Seigneur, aide-nous à ne pas utiliser ce que tu nous as donné pour nous glorifier, pour se valoriser, mais bien pour amener les gens à dire que Jésus est le Seigneur. Apprends-nous à servir avec nos dons. Et non pas vouloir se faire servir dans l'Église. On peut toujours servir dans une Église. Ça ne donne rien de se lamenter pour se faire servir. Mais servir les autres. Et ta parole nous dit qu'il y a plus de joie à servir qu'à se faire servir. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à utiliser toutes ces choses dans l'Église de Mont-Tremblant, afin que notre Église s'édifie mutuellement. Et que notre Église soit un instrument dans tes mains pour amener la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va terminer avec un chant, si vous voulez bien.